Regretteras-tu l'ancien collège ? Pourquoi ? Oui, y a quand même beaucoup de souvenirs dedans. Et même si ça reste dans la tête, on s'en pourra plus les remémorer en regardant l'endroit où ça a été créé. Et même tout ce qui est rattaché à ce collège, c'est hyper important pour moi. Et c'est dommage qu'il s'en va, mais bon. C'est bien d'avoir un nouveau collège quand même. Un vendredi... Il y avait un match de foot, parce que chaque année on fait des matchs de foot. Et je me souviens, c'était vraiment une ambiance incroyable. Et du coup, je me souviens de vraiment s'être rattaché à cet endroit précis, avec cet arbre précis. Et on avait vraiment passé tout le midi à rire. Et c'est un super bon moment pour moi. Je me souviens du mégaphone qui nous appelait pour aller manger à la cantine, qui résonnait dans tout le grand hall, là, en bas. On entendait à des kilomètres. Alors, mon meilleur souvenir dans le collège, c'est mon voyage que j'ai fait en quatrième avec le latin en Italie. On a fait une semaine là-bas. En plus, il faisait beau. C'était trop bien. Quand je me suis paumée dans le collège le premier jour. Mon souvenir est qu'un ami avait cassé la porte de mon casier. Il a fallu attendre jusqu'à la fin de l'année pour qu'elle soit de nouveau remise. Le repas de Noël, les chocolats et les décorations. Je suis revenue un samedi matin et avec Madame Morisot et quelques personnes, nous avons entièrement décoré le hall du collège pour les fêtes de Noël. Sapin, faux cadeaux, lumière. C'était étrange d'être là un samedi, comme l'impression de détenir un secret, avec l'excitation de se dire que le lundi, les élèves allaient découvrir tout ça. Quand ta troisième a chanté une chanson de Noël au micro. Pour le repas de Noël, on avait mis la musique à fond. Même qu'on s'entendait plus. Voilà. Toutes les classes avaient choisi une musique. Oui. Maria Carré. Ouais. Des musiques de Noël, des musiques de rap. Dans la cour, pendant les récré ou sur le temps du midi, par exemple, j'avais... des potes qui avaient fait un concert ou même des fois on faisait des répètes dans la salle de musique, c'était assez cool je trouve. Moi j'ai souvenir d'une prof de français qui s'appelait Madame Iglesias, mais qui est plus là, qui était adorable et qui m'a poussée dans ma passion de l'écriture. Les bancs, on discutait, c'était bien. C'était le rap sur le passé simple en français créé à partir des conjugaisons. Nous avons même terminé par écouter Coffre plein de cobaladés. Ah si, une fois, il y a ma sœur, elle est rentrée dans un casier, juste un. Ma sœur, quand elle était en troisième, l'année dernière, elle est rentrée dans un casier. L'année dernière, j'ai fait. Elle s'est enfermée dedans. Elle fait ma taille, donc c'était facile. Les mots dans le carnet de Madame Audet, ses clashs, la correction d'un exercice en tout un cours et le nombre de personnes qui restaient pendant 15 minutes dans la classe de Madame Smith. Je me suis fait virer une demi-journée. On attendait notre cours de français en parlant. On était quatre autour d'un ami. Lorsque le prof est sorti de sa salle pour nous dire d'entrer, il a dit à notre ami qu'il avait la côte auprès des filles. On était gênés. J'ai un pote, il a pris une heure de colle le jour de son anniversaire à cause de moi. C'est pas totalement ma faute, mais il avait pris un mot à cause de moi parce qu'il jouait avec ses ciseaux et du coup, on jouait tous les deux et c'est lui qui a pris le mot. C'était quand on était au foyer et qu'on jouait au loup-garou, ça c'était bien. Par contre, il y avait à chaque fois du bruit et c'était embêtant, mais maintenant ça va. Le jour où la classe a cotisé pour acheter un cadeau pour le prof. Il semblait sincèrement ému, c'était un très bon moment, car ça permettait de briser les frontières élève-professeur. On a offert un doudou en forme de renard pour la fille de Monsieur Horry. Quand les cours sont soit annulés ou soit déplacés. Ma classe en 5e, c'est un bon souvenir, puisqu'on s'entendait tous bien. En fait, c'est la première fois que j'avais un groupe de potes où j'étais vraiment à l'aise avec tout le monde. Même si j'ai plus ce groupe-là, c'est un très bon souvenir. La rentrée, c'est à la fois décevant car les vacances sont terminées, mais c'est aussi excitant et stressant. On se pose de multiples questions. Qui avons-nous en prof principal? Qui est dans notre classe? Serons-nous avec nos amis? Auront-ils changé?